refléter de soi du positif, rentrer dans les rangs, être pacifique, le cœur glacial comme l'Antarctique. Rejeter la faute sur les autres, ne pas trouver les mots, lever les mains aux anges. Y'a trop de trucs dans ma tête, y'a trop de trucs qui dérangent. Défaut d'orthographe sur ma feuille, un président qui se prend pour un prophète. On jure que parler commère, des paroles pour rien dire. La poésie de Gainsbourg, rentrer dans la machine, jouer sur un playground. La musique révèle les mœurs, reflète le cœur, obligé d'avancer malgré les erreurs. Nos échecs nous regardent au travers, mentir, puis jurer sur la tête de sa mère. Parler dans le dos, parler en face, avancer, faire du sur place. L'étoile veille sur nous, ou peut-être sur un autre, donc aux jalouses. On est des vrais putes, non peut-être que j'abuse, mais l'humain paraît mauvais. Est-ce par lui-même ou par le système qu'il s'est dégradé? Des questions à se poser, mon coupé à poser, reflet c'est une page tournée, la boucle est bouclée. Flamper en voiture de location, s'acheter du haut de gamme ou une occasion. Les frères te diront que c'est la merde, passons, que le son c'est ma passion. Que je veux percer, pousse-toi, pardon. On refait pas un homme, man, on refait pas une vie. La plus m'entendre si, sache que le passé te suit. Le rap ne m'intéresse plus, changer du jour au lendemain, une PCPG devient pute. La vérité masquée par les apparences, l'état nous ment. L'époque est triste, on s'écrase tout doucement. Ta première clope, ta première pierre, ton premier spliff, ta première ligne. T'as pris du speed, est-ce stupide, comment dire une vie? Vaut-il mieux la gâcher, craindre enfer? L'ambition haute, haute, elle pourrait toucher le ciel. Sache qu'on a brûlé nos propres ailes. Des tentations de toutes sortes derrière une vitrine. En vouloir toujours plus, on se condamne à être triste. Rechercher la cause d'un mal-être dans des conspirations. Être attiré par l'argent plus que par nos aspirations. Vouloir s'arracher de sa condition, les pieds et les mains liés pour garder un niveau de vie, pour s'intégrer, pour être ce qu'on appelle digne. Tout ce que la vie nous oblige à faire, les choix qu'on a à prendre, les fautes qu'on a dû commettre, le passé et le futur nous tourmentent. Une vie qui tourne en boucle comme un manège, où même l'amour est devenu un business. Notre petit confort qu'on ne voudrait jamais perdre. Des heures à prier, à penser, à cogiter. Moi et la gamberge, je veux qu'on se quitte. Un juge qui a le nez dans la cour, des rappeurs chez Koé, rêver d'avoir la cote, fuck la course au succès. Des modèles qu'on nous donne, des idoles qu'on nous vend, notre humanité qu'on nous vole, nos vies qu'on nous prend. Des heures à écrire sur un bout de papier, à chercher comment grimper des paliers. Jouer un rôle tous les jours, tout entendre, tout comprendre, mais faire le sourd petit à petit, devenir fou. Voir notre avenir dans le flou, notre bonheur dans l'étude. S'identifier à quelqu'un, suivre le modèle américain. Ne vivre que dans le péché, ne vivre que dans l'excès. Certains ont le fut de baisser. Les bras tout abandonnés, savoir relever la tête, tout recommencer. Accepter ses défaites, devoir repartir à zéro. Oublier son ex, être déçu par un pote. De la chirurgie esthétique pour masquer les complexes. Notre terre, mer, qu'on détruit tous ces go. Merde, certains dans des palaces, d'autres dans des débris. Parler avec les yeux, chanter avec le cœur. Avoir la chance d'être deux à la recherche du bonheur. Écrire toute la nuit, ne pas réussir à dormir. Admire la beauté des choses liées entre les lignes. Vouloir changer le monde avec un titre. Écrire un texte avec tout ce qui m'inspire. Je suis peut-être pas connu mec, mais je suis un artiste. La parole au peuple, j'aime pas l'état. La parole d'un anarchiste. Vivre à l'opposé de ce pourquoi on est fait. Regarder les étoiles, se chercher une place. Se sentir tout petit en effet. Les barrières sont dans nos crânes, donc c'est nos armes qu'on a séquestrées. Vegas mon pote, admire la beauté des choses, lis entre les lignes, lis entre les lignes, yeah. Je pourrais continuer encore comme ça longtemps. Se faire peau pour une dame, crever de l'intérieur par amour, avoir connu un drame, devoir vivre avec tous les jours. Les barrières sont dans nos crânes, donc c'est nos armes qu'on a séquestrées. Vegas, mais c'est la plume qui vient à moi, pas moi qui vient à elle.